ils t'ont mis un truc dans ton cul.

We'll be right back. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Je crois qu'on a trompé d'un saut, mec. It's slithery.